c'était pas le port de Hambourg, mais on y était en partance. Les hommes, à la fin d'une danse, quittaient les filles du faubourg. Elles pleuraient un peu tout bas, en attendant que leurs gars reviennent. Mais les paumés qu'ils m'en souviennent, c'était ceux qui ne partaient pas. Il fallait qu'on se dise adieu, il fallait que l'on s'en raconte, en sachant bien au bout du compte avoir ses larmes dans ses yeux, que l'on payait bien cher le prix en regrets amers, en mensonges et de la mer et de ses songes. Liberté, liberté chérie. Tu sais que je perds la mémoire, comme un gamin trop vieux, comme un printemps, comme la mer. Je ne connais de cette histoire que ce que les vents ont cru bon de m'en raconter un matin. Pourtant, tu sais, ça a l'air vrai, qu'est-ce que t'en penses? Les souvenirs de cette enfance-là. Où était-ce? Je ne sais plus. À Saint-Malo ou Recouvrance, on était quelque part en France. Je me souviens qu'il avait plu. La fille avait un goût d'anis, le brouillard lui donnait la fièvre, faisait trembler ses chaudes lèvres comme un oiseau tombé du nid. Et je la serrais contre moi comme cet espoir qu'on embrasse, alors qu'il n'y avait plus trace de terre après quelques mois, au temps où l'eau, l'air et le ciel font de l'âme une proie facile, prise de langueurs imbéciles que ne guérira plus le sel. Mais tu sais, je perds la mémoire, comme un gamin trop vieux, comme un printemps, comme la mer. Je ne connais de cette histoire que ce que les vents ont cru bon de m'en raconter un matin. Pourtant, dis-moi, est-ce que ça te dit quelque chose, ces souvenirs à l'eau de rose là? C'est une chanson de port. T'en connaissant, j'en connais mille. Tu changes le nom de la ville, mais c'est toujours le même accord, c'est vrai. Ces chansons de marin, c'est toujours la même rengaine. Je chante peut-être la mienne, mais après tout, on n'en sait rien. Je jongle avec des souvenirs, avec des éclairs de mémoire qui illuminent la nuit noire où mon histoire va finir. J'ai beau jouer les matamores et dire que le soleil brille au fond va, j'ai perdu la fille et quelque chose en moi est mort. Tu sais, j'ai perdu la mémoire, comme un gamin trop vieux, comme un printemps, comme la mer. Je ne connais de cette histoire que ce que les vents ont cru bon de m'en raconter un matin. Pourtant, tu sais, ce serait bien que tu me laisses le peu d'illusion qu'il me reste là. C'est vrai, ces chansons de marin, c'est toujours la même rengaine, celle-là on dirait la mienne. Et tant pis si je n'en sais rien.